Rouletabille chez Krupp. Chapitre 21. Morte ou vivante. Nous avons le corps ici, dit Rouletabille. Et tu parles, s'écria Serge. Rouletabille mit sa main sur le mufle frémissant du Polonais. En tout cas, je parle moins fort que toi. Cesse de hurler et de désespérer. Tout n'est pas perdu, Serge Karnilski. Comment veux-tu, insensé, que tout ne soit pas perdu? Si le corps n'est pas celui de Nicole, c'est que Nicole est encore entre leurs mains, et elle devra payer pour nous tous. Mais tu seras le premier à payer pour elle, je te le jure. Ils se turent, à cause de gémissements effroyables qui étaient à côté d'eux. Ce gémissement disait « On m'a fait voyager avec le cadavre de ma fille. » Il y avait un cadavre à côté de moi, dans la même caisse que moi, un cadavre qui était séparé de moi par des planches et dont j'ai touché des vêtements. Venez avec moi arracher les planches. Nous sommes tous maudits à cause de toi, Serge. Arrachons les planches. Arrachons les planches. Nous referons après un nouveau cercueil à Nicole, un cercueil étonnant et digne d'elle, grand comme la Titania. Le malheureux délirait et s'accrochait à toutes les planches et les secouait comme un fou. Mais Serge et Rouletabille eurent au fait d'arracher les planches de la caisse qui avait transporté le vieux. Et, en effet, ils en tirèrent un cadavre que le Polonais poussa avec un rugissement jusque dans la lueur du faux falot rouge. C'était le corps de Lasker, le chef du magasinage, dit Rouletabille. Le Polonais et Fulbert se penchèrent sur le cadavre et furent sur lui comme des bêtes ronflantes. L'autre corps, il nous faut l'autre corps pour savoir. Nous voulons l'autre corps. Mon compagnon seul pourrait vous dire où il est, fit Rouletabille. Et je ne sais où est mon compagnon. À ce moment, les ombres remuèrent encore et les ténèbres furent comme bousculées par le glissement d'une chose énorme. C'est toi la candeur? Oui, c'est moi. Jamais je n'aurais cru que je pourrais venir vous rejoindre. Ma caisse est à l'autre bout de la cale. Le corps, glapirent les voix des deux furieux. Ces messieurs, prononça Rouletabille, désirent voir tout de suite le corps de Nicole. Qu'en as-tu fait, la candeur? Je n'ai pas eu le temps d'emporter, mon vieux, je l'ai laissé là-bas. D'horribles grognements, pleins de menaces, accueillirent ces paroles, tandis que la voix expirant de Fulbert avait encore la force de dire « Mon Dieu, nous ne serons donc jamais. »« Si, bientôt nous allons savoir, c'est moi qui vous le dis. Croyez-moi, » fit encore Rouletabille. Bientôt. Quand? Bientôt. Peut-être dans une heure, peut-être tout de suite. Tout de suite? Tout de suite? Je ne peux plus attendre, lança le Polonais. Ni moi non plus, gémit le malheureux Fulbert. Elle remplit la cale de son sanglot. Silence, commanda Rouletabille. Écoutez-moi. Vous n'avez pas entendu ces pas. Si vous continuez à gémir de la sorte, vous allez faire venir tout l'équipage. Et ce n'est pas l'équipage que j'attends. Qui attendez-vous? Pleura Fulbert. J'attends celui qui nous dira la vérité, car il faut espérer encore dans la vérité. Écoutez-moi encore, car je ne vous ai pas tout appris. Elle est peut-être morte. Elle est morte. Voilà ce qu'il faut se dire d'abord. Voilà ce que je vous ai dit d'abord. Car enfin elle peut être morte. Elle l'est. Dites-vous cela et maudissez-moi. Et maintenant, espérez un miracle. Parce que j'attends ce miracle-là. J'ai cru tout à l'heure l'entendre marcher. Sachez que j'avais dans Essen un complice, le soi-disant représentant des intérêts turcs. Vladimir, Vladimir, soupira la candeur. Et Vladimir, c'est lui que j'attends. Il a pris passage à bord. Et j'ai vu Vladimir à l'Esnerhof, au déjeuner de fiançailles. Je lui ai donné une mission. L'a-t-il accompli? Tout est là, tout est là. Quand je me suis aperçu, ou quand j'ai cru m'apercevoir, au déjeuner de fiançailles, que Nicole n'était pas Nicole, le souvenir aigu de certaines paroles entendues, certaines nuits, me revint à l'esprit. Une nuit donc, où j'étais sur les toits de la maison Hans, au pavillon central des recherches, je surpris certaines paroles prononcées par l'homme qui avait été chargé de la garde de Nicole. Il se félicitait de ce que, depuis quelques jours, il jouissait d'une appréciable liberté. « Depuis mercredi, disait-il, j'ai bien cru être débarrassé de tout. » « Oui, nous avons tous cru que c'était fini. » Et là-bas, la princesse Botossani, elle a dit « Elle sera morte demain, » ajouta l'homme de garde. Puis il eut un silence, et cet homme reprit, sans dissimuler son étonnement. « Et maintenant, elle va tout à fait mieux. » C'est incroyable ce qu'il y a de ressort chez les jeunes femmes. Sans compter que, puisqu'ils veulent qu'elle se porte bien, ils ont dû lui coller quelque chose de pas banal du tout. Or, reprit Rouletabille, je savais que la princesse Botossani était dame infirmière à l'hôpital de la Villa Hegel, hors de l'usine, à Essen même. Donc on avait transporté, dans la crainte d'une issue redoutable, la pauvre Nicole dans cet hôpital. en était-elle réellement revenue? Toute la question était là. Les Fritz avaient trop d'intérêt à lui substituer un sosie pour que la possibilité d'une pareille éventualité ne me heurtât à l'esprit, surtout dans le moment que je venais d'être assailli par les doutes les plus aigus sur la véritable personnalité de la Nicole que j'avais devant moi. C'est alors que je me rapprochais de mon complice Vladimir, qui, lui, est en relation constante avec la princesse Botosani, et que je lui demandais pourquoi la princesse ne se trouvait point au déjeuner de fiançailles. Quand il m'eut appris que la princesse avait été invitée à ce déjeuner, je respirais, car il ressortait de cette information sûre que la Nicole que j'avais devant moi était la vraie Nicole. La princesse Botosani l'avait soignée. Jamais on n'aurait invité la princesse au déjeuner où elle devait se rencontrer avec la fille de M. Fulbert, si celle-ci n'avait pas été la même personne qui avait été soignée par elle. La princesse aurait connu tout de suite la supercherie, et elle en aurait fait part immédiatement son faux pacha, Vladimir, avec qui on la sait du dernier bien. C'était mettre beaucoup de monde dans la confidence. Et c'était ainsi, pour peu que l'on donnât des doutes sur la personnalité de Nicole, aux invités de Lesnarhof, aller à la rencontre des désirs de l'empereur qui avait tenu justement à ce qu'on leur montrât la fille de M. Fulbert en chair et en os et bien portante. Je concluais donc de tout cela que l'invitation de la princesse Botosani était un argument sérieux en faveur de la véritable personnalité de la Nicole à qui je venais de parler. Cependant, quand Vladimir eut ajouté que cette invitation avait été annulée par la nécessité où l'on mettait la princesse de ne point se rendre à cette invitation, tous mes doutes revinrent à nouveau, plus pressants que jamais. Je pus croire, et dans tous les cas, je pus craindre que nous avions tous été joués, et je résolus d'agir comme si nous étions acculés à une situation désespérée. C'est alors que je confiai en grand secret à Vladimir l'alternative dans laquelle, désormais, nous nous débattions. Il était libre, lui, il pouvait agir. Et je lui dictai les gestes de son action. Il devait se rendre à l'hôpital de la Villa Hegel et s'assurer par lui-même de ce qu'il en était. C'était un mercredi que la malade avait été amenée à l'hôpital. Elle y avait été soignée par la princesse. C'était là de précieuses indications. Vladimir reçut l'ordre d'entrer coûte que coûte en communication avec la malade. Et si celle-ci se trouvait encore à l'hôpital, d'user des moyens dont il disposait et de l'auto et des papiers de la princesse Botosani pour conduire la malade à la frontière hollandaise et l'y mettre en sûreté avant de revenir à bord du Wesel, où sa place était retenue à l'avance. Messieurs, messieurs, Vladimir est à bord du Wesel. Il veille sur nous et sur notre entreprise, et on pourra le voir apparaître d'un moment à l'autre. Vous voyez que rien n'est encore perdu. C'est lui qui nous fixera. Tant qu'il n'aura pas parlé, nous n'avons à désespérer de rien. À ce moment, un nouveau personnage apparut dans la lueur rouge du falot. Il appelait à voix basse. Rouletabille, Rouletabille! C'est toi, Vladimir? Oui, c'est moi. Eh bien, as-tu trouvé la malade? Oui. L'as-tu sauvée? Oui. Elle est en sûreté en Hollande? Oui. Alors Nicole Fulbert est sauvée? Mais je n'en sais rien, moi. Je ne sais pas si la malade est Nicole Fulbert. Mais qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Tu l'as vue? Non, je ne l'ai pas vue. Elle n'a pas montré son visage. Et tu l'as sauvée? Oui, j'ai sauvé à tout hasard la malade qui avait été amenée à l'hôpital le mercredi et qui avait été soignée par la princesse Botosani. Mais enfin, elle t'a bien dit comment elle s'appelait? Elle m'a dit qu'elle s'appelait Barbara Licks.